Pourquoi tu veux? Pourquoi tu veux le AirPlay? Pour le rendre à Denisa. Pour le rendre à Denisa. Pour le rendre, c'est plus cher. Tous ces groupements, ça ne s'organise pas en 2-3 heures.